Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Cette semaine, on met des plans de show. Dans Television, The CW commande une série dérivée de son succès Supernatural. Ici, on songe à un dérivé du Mathieu Plancho avec Marie-Ève qui parlerait de Disney pendant une heure. Dans le segment Geek Scénix, une langue électronique capable de distinguer le goût d'une bière. Est-ce qu'elle peut différencier une liqueur diète d'une liqueur normale? Parce que moi, je trouve ça dégueulasse, la diète. Et dans la geekette en devenir, on se met au yoga à la façon de Donjons et Dragons. Le Mathieu Plancho commence tout de suite. Et voici celui qui mettrait sa langue dans n'importe quel liquide. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Jared Padalecki. Un peu comme son personnage de Sam Winchester dans Supernatural a besoin de son frère pour affronter monstres et démons. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Alors, j'accueille ma collimatrice, Maria Picard. Hey, bonjour Jared Padalecki. Ah, t'aimerais ça que je sois Jared Padalecki? Ouais. Oh, ben oui, j'aimerais bien ça. La vedette de Surnaturel. Mais je vais quand même prendre Mathieu Plante, c'est correct. Ben, c'est tout ce que t'as, donc voilà. Ouais, c'est ça. Plus tard à l'émission, le segment Geek CNX, c'est la geekette en devenir. Ta chronique à toi? Bien sûr. Ça s'en vient d'ici la fin de l'émission, mais dans, oui. Dans quelques minutes, juste là, on va commencer avec Television, comme on le fait tout le temps. Avant tout, par contre. Chiptune. Oh que oui, du chiptune. Et pas n'importe quel chiptune, on s'en va entendre une pièce qui vient directement de Sonic the Hedgehog, la série de jeux vidéo évidemment très populaire. On s'en va entendre Scrap Brain Zone DMG. G01 cover du compositeur original Masato Nakamura, celui qui a écrit cette musique-là, mais reprise ici par 3ND Mayan au Mathieu Plante Show tout de suite. Friendly Mayan et une pièce de Sonic the Hedgehog, la série de jeux vidéo avec le hérisson bleu. C'était Scrap Brain Zone au Mathieu Plante Show. Maintenant, on débute avec la première chronique de l'émission. Devine. Television. C'est Television, et pour vrai, il se passe pas énormément de choses. Donc, on vient avec les grands titres, presque. Commençons avec Kudo, qui va avoir son propre dessin animé. Tu connais le petit personnage là, oui? De lutteur, Lucha ouais? Libre style. Donc, depuis presque 4 ans, les Canadiens sont exposés à cette mascotte de compagnie de téléphone cellulaire, Kudo. Donc, c'est El Tabador, c'est le nom du personnage, surtout dans des publicités de 30 secondes. Est-ce qu'on va être capable de le tolérer pendant 30 minutes? C'est la question qu'on se pose. Je suis pas sûr, là. Pas certain. C'est un personnage polarisant, si on veut. Hein. Il tape ses nerfs de bien du monde, puis d'autres, ouais. Le trouve bien drôle. Ouais, c'est ouais. Ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Exact. Donc, Carl DeMarco, l'ancien président du Global Business Development pour la compagnie World Wrestling Entertainment, c'est ceux de la lutte, la WWE, a signé avec TELUS Corporation pour les droits de ce personnage de combat de la lucha libre. Monsieur DeMarco développe une sitcom mettant en vedette El Tabador et son style de vie de vedette. Dans un manoir avec son entourage. Et un peu comme dans les publicités, ça va être fait avec du live action derrière lui. Donc, il va être un personnage de dessin animé dans notre monde à nous, dans notre monde réel. Ouf. D'accord? Ça va être filmé à la The Office Modern Family, style faux documentaire, ce qu'on appelle un mockumentary en anglais. Donc, ça va être ça a un style particulier qui pourrait avoir du sens, mais pour vrai, le personnage gosse tellement dans les publicités que je vois pas comment il pourrait le rendre sympathique, attachant pour moi et la majorité, j'imagine, des gens. Ouais, ben ça doit être un peu comme des chansons, hein. Tu sais, plus que tu l'écoutes, plus que tu l'aimes. Alors, ouais. J'imagine que plus que tu vas écouter l'émission, plus tu vas t'attacher au personnage. Mais ils vont laisser le nombre d'épisodes nécessaires. Ouais, c'est ça. C'est-tu 1, 2 ou 15, là? Mais c'est à la télévision canadienne, évidemment, parce que le personnage est canadien, donc ça approche d'être seulement à la télévision canadienne. Mm-hmm. On a tendance à acheter une saison complète et la diffuser au complet. Oui. Ce qu'aux États-Unis, ils font pas parce qu'ils vont retirer l'émission après facilement 2 ou 3 épisodes. Ouais. Ouais. Des fois, c'est arrivé un. Ouais. Ouais. C'est arrivé. Ouais. Donc, l'agence publicitaire Taxi 2 a créé le personnage en mars 2010. Kudo va continuer à utiliser El Tabador dans ses publicités. Il y a une chaîne spécialisée canadienne qui a déjà montré un intérêt pour cette émission-là. Donc, pas un grand réseau. Ce sera pas CTV, Global ou CBC. Ça va être genre, peut-être, mettons, je sais pas, Slice. Ou tu sais, une chaîne que pas beaucoup de gens écoutent, mais qui pourrait avoir un certain succès à cette chaîne-là. Oui, c'est ça. Un peu comme Bravo avec 19.2 en anglais en ce moment. Ah, c'est une oui, petite chaîne. Oui. Bravo, c'est pas un grand réseau. Mm-hmm. Bref, ils vont voyager jusqu'à New York pour aller montrer ces affaires-là aux distributeurs, c'est ça? Voilà. Et aux diffuseurs, essayer de le faire acheter par le plus de gens possible. Tu sais que même si le personnage est canadien et est dans des publicités canadiennes, ça se pourrait que ça soit vendu ailleurs parce que le personnage pourrait tenir en tant que tel. Ben oui. Donc voilà, ça devrait être diffusé en 2015. On construit une émission autour d'une mascotte, ce qui est quand même rare, mais c'est pas la première fois. On se rappelle entre autres en 2007, le réseau ABC, le réseau américain, avait lancé une sitcom basée sur Cavemen, qui étaient des personnages dans les publicités de Geico à l'époque. Ah. Ça a été un méga flop et on n'a pas tellement, on les a revus un peu, mais pas tellement ces personnages-là. Ouais, parce que ça me dit rien. C'est rendu plus le petit gecko. Oui, en fait. C'est ça, le petit lézard. Là. Le Geico, comme on l'appelle. Oui. Voilà, c'est ça, le personnage qui est polarisant, mais qui pourrait avoir sa propre émission bientôt. On ne sait pas encore s'il va y avoir du placement de produit, par contre. Ouais. Tu sais, s'il est tout le temps en train de parler sur son coup d'eau, ça pourrait être fatigant. Ouais. Ça reste à voir comment ça va être fait. Si c'est fait avec goût et parcimonie ou genre dans ta face. C'est ça. S'il y a plus de personnages que juste le petit personnage en dessin animé, peut-être qu'il va y avoir toute une famille de dessins animés autour de lui. Ah, peut-être qu'il va être ami avec des humains, on ne sait pas encore. Ouais, c'est vrai. C'est loin, 2015, quand même. Ça a l'air loin, mais en tant que tel, 2014 avait l'air loin l'année passée. Bon, là, garde-le qui parle. Ben oui, regarde le gars qui voit que le temps passe vite en mode. Ben oui. David Schwimmer est de retour ou va être de retour éventuellement à la télé. Ah, oh, oui! Notre Ross multinational. Oui, exact. L'ancienne vedette de Entre Amis, David Schwimmer, Friends, évidemment. Friends. Tiendra le premier rôle de Irreversible, comédie que prépare ABC à partir de la série israélienne Bilti Affiche. Après un passage au cinéma, devant et derrière la caméra, l'acteur américain se décide à revenir au petit écran pour son premier grand rôle dans la fin de sa sitcom phare. L'ancien interprète de Ross Geller incarnera Andy, un écrivain en panne d'inspiration. Couple excentrique et égocentrique, Sarah et Andy sont complètement perdus depuis la naissance de leur fille. Pour Andy, difficile d'écrire son troisième roman, surtout que son précédent a été un échec cuisant. Pour débloquer la situation, il décide de donner des cours d'écriture à l'université. David Schwimmer occupera également également le poste de producteur dans cette comédie dont l'action se déplacera à New York pour les besoins de ABC. Depuis la fin de Friends en 2004, l'acteur n'avait pas accepté un rôle majeur à la télé, se contentant de rôles secondaires comme dans Frères d'armes et de brèves apparitions dans 30 Rock, Cache ta joie et Entourage. La star s'est davantage tournée vers le cinéma au cours de cette dernière décennie. Il a notamment réalisé deux longs métrages, Run Fat Boy Run en 2007 avec Simon Pegg et Intrusion en 2010 avec Clive Owen. Pourquoi pas? C'était quelque chose d'inévitable, le retour de Matthew Perry. Tout le monde dans Friends est revenu à la télé. On a vu le gars qui faisait Chandler, Matthew Perry, avoir échec par-dessus échec par-dessus échec. Malheureusement. Donc, on lui souhaite une meilleure chance. Ceux qui s'en sont bien sortis, on ne sait pas. Matt LeBlanc, ça en sort très bien avec sa série Episodes. Courtney Cox est dans Cougar Town, ça fonctionne très bien. Rachel, évidemment, Jennifer Aniston, je pense qu'on l'a vu une couple de fois. Ouais, comme célèbre parce qu'elle est célèbre. Elle est partout, Jennifer Aniston. Maintenant, la CW, le réseau CW, commande une série dérivée de Supernatural. Est-ce que tu as écouté un petit peu des Supernatural? C'est l'affaire de monstres et des trucs comme ça? Non, on l'a pas écouté. C'est rendu dans sa 9e saison, cette émission-là. Maintenant, il va y avoir une série dérivée selon Deadline. Donc, CW qui a commandé une émission pilote pour une nouvelle série dérivée qui s'appelle Supernatural Tribes pour l'instant. Donc, ça retourne à l'époque primitive. On dit qu'il va y avoir des affaires entre des chasseurs et des monstres à Chicago. Aucune des présentes vedettes de Supernatural vont quitter la série pour se joindre à cette nouvelle série-là dérivée. Donc, à la place, on va avoir un nouveau personnage dans la série Supernatural propre, donc la vraie série. Et ça va servir de ce qu'on appelle en télé un backdoor pilot. Un peu comme on a vu dans bien des séries comme dans Vampire Diaries et Pretty Little Liars, où t'as un épisode qui clash avec les autres, qui a juste pas rapport dans la série. C'est parce que c'est dans le fond l'épisode pilote d'une autre, mais on le fait passer pour la série d'origine. Ouais, c'est ça. C'est toujours bien bizarre dans les émissions, ça, je trouve. Ouais. C'est une façon comme une autre, tu sais. Bah ouais, pourquoi pas. On voit que les gens, tu sais, si les codes d'écoute sont bonnes pour cet épisode-là, c'est que les gens aiment les personnages, donc on continue la série. Bon. C'est ça. Et des fois, les acteurs vont changer entre l'épisode de la série mère et la vraie série, parce que des fois, un an et demi entre les deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Finalement, la personne n'a plus le faire, puis. Exactement, elle a trouvé un emploi ailleurs. Bref, voilà. C'est seulement la plus récente série dérivée pour la CW. On a parlé tantôt de Vampire Diaries qui a dérivé The Originals, et récemment, on a annoncé qu'une série dérivée de Veronica Mars allait être diffusée sur la plateforme numérique CW Seed. Et pour terminer, les vedettes de Sharknado, Ian, je pense qu'il faut dire, lui, il faut dire Ian Ziering, c'est un original. Il faut pas dire Ian comme tout le monde, c'est non. Ian Ziering et Tara Reid seront de retour pour la suite de Sharknado. Vous savez, Sharknado, le film, tout ce qu'il y a de plus cliché et, comment dire, kitsch sur la chaîne Sci-Fi. La suite va s'appeler Sharknado The Second One, selon le New York Daily News. La distribution va être pas mal de retour. L'endroit, par contre, où le film va être tourné va changer. Ça va passer de Los Angeles à New York. On sait pas encore comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va y avoir, mais on sait que ce sont Sharknado, c'est un ouragan de requins qui volent dans les airs et attaquent les gens pour les tuer. C'est le principe. Ça va commencer à être filmé à Manhattan le mois prochain. Wow! Cool, mais les deux vont être là quand même. Là, et on a vraiment gardé les vedettes extraordinaires. Pas sûr. Ouais, d'accord. Extraordinaire, oui, OK. À quand le marathon de ces films-là, il faut se taper ça un jour? Ben oui, il faudrait. On dit à chaque fois qu'on en parle, on le fait jamais. Mais c'est parce qu'il y a trop de bonnes choses. Comment il y a trop de bonnes choses à écouter pour si peu de temps? On a recommencé à se taper How I Met Your Mother avant la finale au mois de mars. Là, on veut pas de spoiler et on veut s'y taper pour pas justement lire de spoiler sur ces affaires-là. Alors donc, essayez pas de nous appeler. On est complètement sans vie jusqu'au mois de mars. C'est ça. Ne nous appelez pas au 819-376-5883. voilà pour Television. Tantôt, on revient avec CNX, le bulletin geek. Mais avant ça, on retourne en chiptune pour entendre Jansa. Pas Chainsa, mais Jansa. Jansa. Et la pièce Rise tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. Ah, un requin dans les airs. Ah! All rise for the requin! The reckons! Jansa et Rise au Mathieu Plante Show. Tous les liens, évidemment, des pièces chiptunes qu'on écoute au Mathieu Plante Show sont sur assemblagerequis.com. Et on enchaîne avec les bulletins geeks, les nouvelles que vous devez savoir en tant que bon geek. C'est Nix. Évidemment, geek est le masculin qui inclut aussi les geekettes. J'espère bien. La chronique ne s'adresse pas qu'aux hommes. Les filles, vous pouvez écouter. Détrompez-vous. Des lentilles tactiles qui lisent le braille pourraient permettre aux aveugles de voir. Intéressant. Wow! Et si un médecin avait trouvé une solution qui permettrait aux personnes aveugles de voir? Un professeur israélien, donc nous explique le site Wired, travaille là-dessus. Ce dernier a mis au point une lentille de contact tactile capable d'enregistrer des images et de diffuser des sensations tactiles sur la cornée pour permettre aux personnes non-voyantes de voir des objets. Ziv Zelevski, chef du service optique à l'université Bar-Ilan en Israël, a inventé un prototype qui permettrait à l'aide de légers contacts sur le globe oculaire au cerveau de comprendre grâce au toucher ce que la personne cherche à distinguer. Hey, c'est quelque chose? Ça en est comme presque incroyable. Vraiment? Donc, en clair, la lentille va délivrer de petits signaux tactiles qui vont laisser des empreintes sur la cornée, ce qui permettra au cerveau de lire des images. Une invention qui pourrait révolutionner toute la conception visuelle des aveugles. La lentille est reliée par les ondes à une caméra ou à un téléphone portable. La caméra envoie une image à la lentille qui traduit le visuel en signalement tactile, donc du braille. La lecture de la lentille est décryptée par le cerveau de l'utilisateur afin que ce dernier comprenne ce qu'il regarde. La lentille tactile n'a pas encore été testée sur l'homme parce qu'ils n'ont pas encore d'autorisation pour un essai clinique. Ça reste à l'état de prototype. Mais cette lentille ne serait pas destinée qu'aux personnes malvoyantes, mais aussi aux personnes qui veulent accéder, oui, à une autre forme de vision, quelque part comme ce que proposent les Google Glass, donc les lunettes de Google. Ça pourrait faire la même chose. L'objectif actuel du professeur est de récolter des fonds afin de développer son prototype dans l'espoir un jour de pouvoir commercialiser une lentille qui serait révolutionnaire pour les aveugles du monde entier. Wow! Ça, c'est des études à encourager, là, pas mal plus que la plupart des études qu'on lit. Vraiment, là, il devrait s'en aller sur Kickstarter puis... C'est quoi? Comment c'est ça? C'est une très bonne idée. Ben, j'espère bien. Pour vrai, pour amasser encore plus d'argent, oui. Je sais que leur affaire est super scientifique et va sûrement avoir de l'argent de chair, de recherche, oui, etc. Oui, c'est ça, mais c'est jamais trop, là. Exactement. Oh, ben bravo. Ouais, dans le même domaine de choses à encourager, mais qu'ici, c'est un petit peu plus inutile, mais vous allez voir, une langue électronique capable de distinguer le goût d'une bière. Ah! Des chercheurs espagnols ont mis au point une langue électronique capable de distinguer le goût de différentes variétés de bières. Première étape, selon eux, vers la création d'un robot doté de ce sens. Le prototype présenté dans la revue scientifique spécialisée Food Chemistry affiche un taux de précision de 82%. Fondé sur le fonctionnement de la langue humaine et de ses papilles ultra-sensibles, le concept de langue électronique revient à utiliser une palette de capteurs génériques qui réagissent aux divers composés chimiques recherchés. Résume un communiqué. Donc, c'est juste un chimiste à l'Université autonome de Barcelone, Manel del Valle, qui nous écrit ça. En l'occurrence, la langue espagnole est composée de 21 électrodes ioniques réagissant à différentes substances comme l'ammonium, le sodium, les nitrates ou les chlorures. Le spectre de signaux générés par la langue artificielle a ensuite été étalonné en fonction des différents types de bières à laquelle elle était exposée. Grâce à une analyse informatique et à un processus automatique d'apprentissage supervisé, le dispositif nous a permis de différencier les principales catégories de bières étudiées avec un taux de réussite de 81,9%. L'organe artificiel est en revanche incapable de reconnaître les breuvages dont on ne lui a pas enseigné la signature chimique. Donc, par exemple, si on faisait un mélange de bière et de liqueur, soda, boisson gazeuse, il ne pourrait pas le détecter parce que c'est seulement ce qu'on lui a enseigné. OK. Ces outils pourraient un jour supplanter les panels de goûteurs dans l'industrie alimentaire pour améliorer la qualité et la régularité des produits destinés à la consommation, peut-être pour rendre tout pareil, pour qu'il y ait moins de différence différentes batches, tu sais, différents ensembles. Oui, c'est ça, pour qu'elles goûtent toutes la même chose. Exactement. Donc, un peu comme du McDo, là. Comment? Par un peu comme du McDo, hein. Le McDo, ça goûte tout pareil. Oui, c'est ça. N'importe lequel où ce que tu vas, aux États-Unis, ici, New York. Pour que tu saches à quoi t'attendre. Ouais. Exact. Maintenant, un sac intelligent pour acheteurs compulsifs. Oh, c'est pour toi, ça. Ben, c'est pour toi aussi, ma chère. Un nouveau sac intelligent pourrait bientôt venir à la rescousse des acheteurs compulsifs en se bloquant pour les empêcher de dépenser. Encore au stade de prototype, le iBag se vendrait autour de 200$ s'il est mis sur le marché. Le sac possède même un GPS intégré qui avertit son propriétaire lorsqu'il se retrouve à proximité de ses magasins préférés. Il y a une version masculine qui pourrait s'en venir aussi. Donc, c'est une sacoche qui utilise une horloge et une chip, donc une puce, pour fermer le sac à tes moments de dépenses les plus vulnérables. Oh. Donc, mettons, dans la journée, tu as tendance à magasiner entre 5 et 6, ben, la sacoche va se barrer entre 5 et 6. Il y a un tracker GPS, donc vraiment un traceur de tes pas en GPS, qui peut savoir où t'es, donc près de tes magasins préférés, ce qui va faire que le magasin, que ton portefeuille va t'alerter avec une petite lumière LED qui clignote. Ça peut aussi envoyer, le sac va envoyer un message texte à un contact que tu as nommé comme étant la personne responsable de ton argent, si on veut, comme, mettons, moi, ce serait toi. Oui. Ça t'enverra un message, et Mathieu est en train de dépenser telle affaire. Là, moi, je dirais, attends un peu, c'est parce que c'est pour ton cadeau de fête. Ah. Puis là, tu pourrais dire, ah, parfait, dépense tant que tu veux. C'est genre... Ah, ben oui, hein, c'est vrai, ça tombe bien, hein, c'est demain en plus. Mais oui, ou oh! Indice. Hey, si je te le dis tout de suite, est-ce que je suis pardonné si je l'oublie demain? Non. Bon, c'est mieux de ne pas l'oublier. OK, ben je te dirai demain d'abord. Ouais. Donc, le site web, présentement, demande à des bénévoles, des volontaires, d'enregistrer leur intérêt pour ce sac-là pour 3$ par mois. Le iBag pourrait se vendre pour 200$ si jamais ça se rend sur le marché. Donc, c'est le sac intelligent iBag. Cool! Ouais, c'est quand même pas pire. Ça fait penser un peu au frigidaire ou je sais pas quoi, là. Qui t'empêche de manger. Oui, c'est ça, là, qui se barre, genre. Que tu peux pas aller l'ouvrir, mais tu mets tout, mettons tes chocolats, tes chips, tes affaires. Puis il est barré, là, tu peux pas y aller. Ben, mais j'y mettrais dans l'armoire, man. Comment? Quand ça s'ouvrira pour prendre bon, une peine de lait. Donc, t'achèteras pas de sac. Ah, en tout cas, gars. Yeah. Non, le sac, non. Ben, tu vois. Si tu mets un sac comme cadeau, peut-être. Tu le prendras pas, tu vas te dire, ben non, il veut pas que je mette mes choses dedans. C'est ça. En plus, c'est un sac pour femmes, donc il prévoit un modèle pour hommes bientôt. Ah. Maintenant, Industrie Canada qui tweet sur Twitter, évidemment, mais prend des semaines pour éditer et faire approuver ses tweets. Oh. Les fonctionnaires d'Industrie Canada travaillent pendant des semaines à la publication d'un seul tweet de 140 caractères, multipliant les contrôles et les vérifications contrevenant du même coup aux caractères informels et spontanés de Twitter, évidemment. Et ça, c'est selon des documents récemment publiés. La plupart des micro-messages publiés par le ministère sont préparés des semaines à l'avance, révisés par des dizaines de fonctionnaires, corrigés par le cabinet du ministre et soumis à un protocole en 12 étapes, indique des documents qu'ont réussi à avoir la presse canadienne avec la loi de l'accès à l'information. Wow. C'est beaucoup trop vérifié. Vraiment. Un tel niveau de contrôle vise notamment à assurer une répétition des publications d'Industrie Canada par d'autres agences gouvernementales. Donc, une fois qu'ils sont approuvés, ils sont vraiment, tu sais, c'est béton, ça passe le test, etc. Donc, on va pouvoir le décliner dans différentes versions. Donc, différentes langues, entre autres, différents plateaux, différents niveaux du gouvernement. Des ébauches de tweets, des mots-clés, la syntaxe, le respect des politiques en vigueur, les retweets et la traduction française, entre autres, figurent parmi les éléments vérifiés par les fonctionnaires. Et lorsque l'inspiration manque, il n'est pas inhabituel d'emprunter des messages auprès d'autres ministères. Donc, les autres ministères ont tweeté quelque chose de bel intéressant. Ils peuvent le prendre verbatim au complet et le reposter. Mmh. Donc, c'est ça, ils demandaient à un moment donné la permission de reprendre un micro-texte du ministère de la Sécurité publique pour le poster ailleurs. Okay. Et tout ça est approuvé par le ci, puis le ça, puis le cadre, puis le whatever. Donc, pour réussir à se rendre jusqu'au compte Twitter. Bref. Wow. N'importe quoi. Dell, maintenant, ment à son public. Dell trompe les consommateurs en présentant macOS 10 sur son plus récent portable. Ah ben. Qui n'est pas un Mac, mais bien un PC. Hein. Ben oui, c'est ça. Donc, une vidéo faisant la promotion du XPS 15 de Dell présente le nouvel ordinateur portable roulant à la fois Windows 8 et OS 10, toi, sur le même ordinateur. Ben oui. What? Ben pourquoi pas. Il semble que pour Dell, tous les coups sont permis lorsque vient le moment de promouvoir ses produits, alors que certains fabricants s'inspirent librement du design de la gamme MacBook. On l'a vu juste en allant dans un magasin d'électronique grande surface. Tous les portables ressemble à des Mac. Ah oui. Ils sont gris, le clavier est noir. Ils sont tous faits pour maintenant leur ressembler à s'y méprendre. Ben, les gens veulent un Mac, mais ne veulent pas payer pour le Mac. Et voilà. Donc, parce The Verge, que c'est beaucoup trop cher. Ben, qu'ils disent, mais quand tu regardes les pièces en tant que telles, à côte, mais c'est bon, regarde le pro Apple. Il y a des études là-dessus. Là. Il y a des études. Allez, vous renseigner un petit peu. Là. Ouais, mais puis. Non, mais puis. C'est parce que ça coûte moins cher à l'achat. Ça coûte un petit peu moins cher. Hein? Mais à peine. À peine. Hein? En tout cas, bref. On s'embarque dans une longue histoire. The Verge a remarqué que l'interface du système d'exploitation d'Apple, macOS 10, était utilisée dans une vidéo servant à promouvoir le plus récent ordinateur portable de Dell. La publicité en question montre comment il semble possible de basculer de l'environnement de Windows 8 à OS 10 par un simple glissement du doigt sur l'écran tactile, ce qui, évidemment, n'est pas possible parce que macOS 10, c'est seulement sur les Mac. On t'entend dessus. Sinon, c'est un Hackintosh, un ordinateur hacké pour pouvoir avoir un macOS 10 dessus. Mais dans ce cas-là, ça donne pas ce résultat-là. Bref. Un Hackintosh! Ça existe, un Hackintosh. Wow! Faut un portable très spécifique. Wow. Certains portables. Bref. C'est bien intéressant d'aller voir ça, Hackintosh. Allons-y avec une société qui offre un PC gratuit aux clients qui abandonneront Internet Explorer 7. Oh! Ouais, Internet Explorer 7, ça commence à être vieux. La société américaine Nursing Jobs propose de faciliter les relations entre les infirmières libérales et leurs futurs employeurs et crée le buzz avec la mise en place d'un nouveau programme visant à décourager l'usage d'Internet Explorer 7. L'application n'intègre pas les derniers standards du W3C, là, ça c'est le standard du codage des pages web, et que c'est ça, en matière de HTML et de CSS, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne dans IE7. Sur son blog officiel, la société nursingjob.us explique qu'elle souhaite abandonner la prise en charge d'IE7 afin de se concentrer sur le navigateur plus moderne. La société affirme « Nous offrons un nouvel ordinateur doté d'un navigateur moderne à chacun de nos clients qui sont coincés avec IE7. » Le département technique aurait ainsi estimé que le coût de nouvel ordinateur était largement inférieur à des investissements qui permettraient d'assurer la prise en charge d'IE7 pour son forum de petites annonces. Donc, ce serait plus cher de faire que le site soit compatible IE7 que de juste payer des ordinateurs à ceux qui utilisent encore IE7. Ah, oui. Quelque chose. Donc, cette annonce a été saluée par plusieurs développeurs web, bien évidemment. Donc, un PC gratuit aux gens qui veulent abandonner IE7. Maintenant, un site auquel on n'a pas accès au Canada, malheureusement, mais je voulais vous en parler parce que l'histoire est vraiment bonne. Pour sortir de l'oubli les morceaux de musique qui ne sont jamais écoutés sur le site Spotify, le site Forgotify propose de n'écouter que les pièces qui ont jamais été écoutées du tout. Okay? Ben voyons, ça se peut, ça? Ça se peut. 80% des 20 millions de chansons proposées par le service Spotify avaient été écoutées au moins une fois. Donc 80% au moins une fois. Ce qui veut dire que 20% n'ont jamais été entendus. Ah, mais genre quoi, mettons? Ça dit pas les pièces, mais il y a 4 millions de chansons que je pense que tu vas en trouver plein. Et même si je t'ai mentionné, tu les connaîtrais pas, ils ont jamais été écoutés. Ouais. On parle d'artistes indie. Mais non, mais c'est genre... Hein? On parle d'artistes indie qui ont jamais eu une seule écoute. Les gens ne les connaissent pas. Il y a personne qui va à leur show. Rien du tout. Tu sais, non? Des petits bands, on en connaît au Québec, mais ça existe aux États-Unis aussi, non? Des titres peu ou pas du tout mis en avant, issus de groupes indépendants. Parmi cette grande quantité de morceaux ignorés, se trouvent à n'en pas douter quelques perles méconnues. Donc, Forgotify propose d'écouter uniquement des morceaux qui n'ont jamais été lus auparavant, à condition d'être inscrit sur le service. En théorie, donc, une fois un titre écouté, son compteur passe à une écoute. Donc, tu comprends, si quelqu'un l'écoute même une fois, ça passe à une. Donc, il sera plus dans la liste. Oh. Donc, si tu l'écoutes, t'es littéralement la première personne sur Spotify. On va laisser plate, là, il est plus comme... Il est plus spécial, indie. Ouais. C'est ça, moi, hipster, je veux pas avoir entendu une pièce qui a été entendue une fois. Non. Je veux zéro fois. Jamais. OK, à go, on va toutes les écouter. Fait comme ça, on va être sûr d'avoir toutes écouté les seules une fois. Tellement. Mais tu vois, comme titre, Forgotify, j'aurais appelé ça Spot Hipster, peut-être, ou Hipsterfy, quelque chose comme ça. Ah, j'aime bien Forgotify. Moi, ouais, j'aurais bien. Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est vraiment cool comme idée. Vraiment, j'adore ça. Maintenant, Google et la firme danoise Lego se sont associés pour proposer Build with Chrome, une application web qui permet de réaliser des constructions à l'aide de briques colorées via votre furteur Chrome. Basé sur la technologie WebGL, ce projet basé sur un système développé par une équipe australienne en 2012 permet de réaliser des constructions en Lego par le biais de Google Chrome. Pour accéder au service, il faut évidemment disposer du navigateur Google Chrome, mais aussi d'un compte Google Plus pour partager ses créations. Un clic gauche pour poser la brique, un clic droit pour l'enlever et ça donne accès à toutes les pièces nécessaires pour réaliser des constructions numériques. Donc, allez voir ça. Lego s'offre de son côté une belle opération de marketing à quelques semaines de la sortie du film Lego La Grande Aventure dans les salles de cinéma. Donc, c'est évidemment un coup de pub, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas du fun avec ça! Cool! Jouez au Lego dans votre furteur Internet. Oh, c'est tellement le fun! Si on pouvait juste donner l'apparence d'une feuille Excel pour avoir l'air de jouer à Excel à la place de jouer à Lego pour travailler, tu sais. Ouais! Pas sûr! Fallait pas que je le dise en nom, là! Ben non! La tendinite du pouce, pour terminer, la maladie du texto. Une récente étude expliquait qu'une personne utilisait en moyenne 2 heures par jour son téléphone cellulaire, sans compter les appels téléphoniques. Le téléphone intelligent est devenu ces 10 dernières années un matériel indispensable pour travailler. Et selon les médecins, la maladie du texto serait une nouvelle pathologie qui pourrait à terme toucher plusieurs millions de personnes. La tendinite, évidemment, c'est une maladie qui correspond à l'inflammation du tendon. Et à partir d'un certain temps, le tendon vieillit et le corps humain n'arrive plus à cicatriser naturellement l'usure des tendons. Ce qu'on appelle le phénomène de compensation arrive à sa limite. Le corps est fatigué. Cependant, de plus en plus de gens, ni sportifs, ni sujets à quelconque faiblesse musculaire, vont consulter des spécialistes de la main pour des douleurs récurrentes dans les doigts, les pouces ou encore les poignets. Ici, pour l'instant, aucune étude scientifique n'a établi de corrélation ferme entre tendinite du pouce et utilisation du téléphone portable. Un nombre croissant de signes vont dans ce sens. Une entrevue avec un médecin sur assemblagerequis.com. Je vous laisse aller lire les détails. Mais bref, trop texté, trop joué à Angry Birds. Ça donne mal au Mais moi, je texte pas avec mes pouces. Ah non, comment tu... Comment, attends, ben, ouais, mais attends parce un peu. Parce que je le tiens dans ma main, mais je texte avec mon index. Ouais, mais ton téléphone mesure genre 16 pouces de diagonale. T'as un Galaxy Note 2, là. C'est sûr que c'est pas avec tes pouces, là. T'es quasiment là avec ta main au complet pour taper ses lettres. Comme à Fort Boyard avec des boulets, toi, ça a plus d'allure. Pas rapport. T'as l'air un petit peu... t'as un gros téléphone, bref. Mais tu sais ce qu'ils disent des gens qui ont un gros téléphone? Hein? Ah non? Qu'est-ce qu'ils disent des gens qui ont un gros téléphone? Je suis plus sûr. Hein? Non, vas-y, on t'écoute, Mathieu Plante. Au retour! Ah tiens, hein, il change de sujet, hein? Au retour, World Wide Web, la Geekette va venir, c'est un fait avec les chaînes. De toute façon, tu me couperas pas, hein? Si je continue à parler, elle est vraiment. Ah, mais comme aux Oscars, hein, l'orchestre se met à jouer plus fort en arrière, fait que moi, j'ai aucun contrôle sur la musique de fond, hein? Ah non! Quand c'est là, de retour dans deux minutes. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Bonjour, Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Évidemment, Marie-Ève Picard est là aussi. Eh oui, je suis là. On a bien du fun à parler de choses geeks. Moi, j'ai passé des geekitudes, des geeks. Ouais. Et puis la tour est tellement bonne. Ben, je sais pas, hein, qui l'a choisi, tu sais. Ah, en tout cas, c'est sûrement pas Mathieu Plante. Hey! Hey! Hey! Tu me connais même pas! Va-t'en! OK. Dans quelques instants, wow, at web. On t'entend vraiment s'en aller. Claque la porte. Non. Wow! Hein, quand même, hein? T'imites parfaitement bien une porte. Ouais, merci. Aussi, la Geekette en devenir s'en vient, mais avant ça, un petit peu de chiptune encore. Troisième pièce pour aujourd'hui. On s'en va entendre Acheris avec Chess Pieces. Entre parenthèses, My Brain Knows Your Kind au Mathieu Plante Show. Akaris. Ah, Chess Pieces, My Brain Knows Your Kind. J'adore ça, c'est super bon. Tant qu'à être en chiptune, restons dans le même domaine. Pourquoi pas? Ah ben oui? Ben ouais. Pourquoi pas? Ben ouais. Allons entendre, tiens, la prochaine, c'est Space Cake 2 par aussi Akaris, tiens. Oh! Wow, hein? Ouh! C'est bien la ça? De la suite des idées? C'est bien ça, allons-y. MPS, le Mathieu Plante Show. Mathieu Plante Show. Akaris! Oh oui! Space Cake 2. C'est à peine un petit peu fucké. C'est un tout petit peu fucké. Ben, moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Non, c'est pas mauvais. Je pense que si je remarque un pochoir, un pattern dans ton choix musical de chiptune. Oui, vas-y. C'est quand ça chante, c'est meilleur. On dirait, ouais. Mais c'est pour parce ça. Parce que on dirait que c'est long de la musique. Des fois, c'est un peu redondant. Ben. La musique normale, ça va, mais on dirait que le chiptune, ça. Quand il n'y a pas de parole, là, c'est très redondant. Mmh. C'est polarisant, comme la mascotte de Kudo. Eh oui. En début d'émission. Ouais. Continuons. Beau lien. Merci. Wow. Continuons de Mathieu Plante Show avec Wow What Web. Wow at Web, c'est notre petit survol de ce qui se passe sur Internet. Donc, allons-y avec un Internet qui va de façon très, très intermittente ici. Donc, peut-être que je ne serai pas tout au complet. Je vous laisserai le reste sur rassemblagerequis.com. Commençons par Retour vers le futur qui s'en vient en comédie musicale. Mais en fait, pas comédie, mais un musical qu'on appelle en anglais. On n'a pas vraiment de mots en français pour juste quelque chose qui est musical, mais qui n'est pas une comédie musicale. Ouais. En tout cas, bref. Ça s'en vient peut-être sur Broadway, mais pour l'instant dans le West End de London, de Londres, en Angleterre. Oui. Les écrivains originaux du film, Robert Zemeckis et Bob Gale, se sont, ont fait équipe avec le réalisateur britannique Jamie Lloyd pour écrire cette pièce-là, si on veut. C'est presque une pièce de théâtre, mais musical. Ils ont aussi demandé à Alan Silvestri de composer la musique et à des gagnants de Grammy Award, Glenn Ballard. Excuse-moi, j'ai mis un pluriel alors que c'est un singulier. Lui qui travaille avec Alanis Morissette et Michael Jackson. Donc, M. Silvestri, qui avait déjà travaillé sur les films de Zemeckis comme Romancing the Stone, Forrest Gump et Castaway. Donc, au moins, c'est des gens qui travaillaient sur le film qui vont travailler aussi sur le musical, si on veut. Celui-là, vous avez sûrement déjà entendu parler, mais quand même, je le mentionne parce que oui, c'est un petit peu geek de parler de ça. C'est une version avec des humains de Chip and Dale. Tic et Tac, les Rangers du risque, ça s'en vient. Ah. J'en parle pas plus que ça, mais c'est le dessin animé des années 90. On dit que ça va combiner le live action, les humains et les graphiques par ordinateur. Oh! Pour raconter leur origine à ces Rescue Rangers. Un peu comme Roger Rabbit, mettons. Ouais! Ben, en fait, graphisme par ordinateur, je crois que c'était fait à la main, Roger Rabbit. Okay. Mais dans le même genre. Peut-être plus dans le genre de... Et là, ça va être de mauvais exemples, mais peut-être un petit peu plus comme les Schtroumpfs et Alvin and the Chipmunks. Ah, oui, oui, oui. Mais j'espère meilleur. Oui. Tu sais, mettons. Maintenant, il y a un simulateur de chèvres. C'est un jeu vidéo. C'est la première alpha qui vient de sortir de Goat Simulator par Coffee Stain Studios. On joue une chèvre qui court un peu et qui fait des cascades un peu, genre comme un jeu vidéo à la Grand Theft Auto. Donc, tu peux te promener un petit peu partout, faire des culbutes, des affaires comme ça, mais tu sais, avec une chèvre à place. Donc, on voit littéralement la chèvre monter sur un poteau à un moment donné. Ça n'a comme aucun sens. C'est même pas réaliste comme mouvement, mais on peut tout faire avec une chèvre. Allez voir la vidéo, la première alpha de Goat Simulator. Je trouvais ça drôle. Ben oui, ça donne le goût. Ensuite, une map d'Internet. C'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps, qui a fait la cartographie complète. Ben, pas complète, mais d'un genre d'Internet comme on le connaît. Donc, c'est un DeviantArtist, donc un artiste sur DeviantArt.com, Jay Simons. Donc, c'est ça. On peut apprendre plein de choses en regardant ça. Évidemment, comme Internet va super mal, je n'irai pas dans les détails, mais on voit, par exemple, le top 500 des sites web selon Alexa. Tu as les furteurs Internet les plus utilisés, les réseaux sociaux les plus utilisés, la pénétration d'Internet partout dans le monde. Tu as la surveillance par la NSA. Donc, c'est un poster. C'est divisé en deux parties, l'hémisphère, en fait, le continent Est et le continent Ouest. Et là, les détails, mais allez voir. C'est une belle carte dessinée par ordinateur, à ce que je sache. Sinon, à la main, mais ça me surprendrait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de texte. C'est vraiment texte par-dessus texte, mais la carte ressemble à une carte du vieux monde. C'est vraiment super, genre vintage, jaune, vieilli. C'est très bien fait, allez voir ça. Wow! Ensuite, tiens, une façon pour les gens qui ont de la misère à parler aux autres, à être social, si on veut, ça s'appelle Sneaky. C'est un jeu de cartes, mais pas un jeu de cartes ordinaire. C'est toi contre tes amis, ta famille, les gens que tu connais, les connaissances, mais même les gens que tu connais pas. C'est des défis sur des cartes à jouer. Donc, tu as un paquet de cartes, un deck, comme on appelle, oui. Et tu as des objectifs. Par exemple, bon, attacher cette carte en secret sur le dos de quelqu'un que tu connais pas. Ah. Okay? Te mettons, payer un drink à quelqu'un, c'est ton objectif. OK? Et tu dois leur donner la carte en même temps que tu accomplis ta mission. OK, puis la personne qui reçoit la carte, après, faut-tu qu'elle continue, qu'elle fasse la même chose? Exactement, elle pourrait faire la même chose à quelqu'un d'autre ou peut-être avoir envie de se procurer les sneaky cards, le jeu, pour pouvoir en essayer d'autres après. Normalement, c'est un paquet de cartes qui t'encourage à être social. C'est cool, hein? Ouais, parce que là, une fois que t'as donné ta carte... Tu l'as perdu pour toujours. Tu l'as perdu pour toujours. Faut que tu te rajoutes un deck. Et c'est le but, en fait, c'est que ton paquet de cartes contient plusieurs cartes et tu dois te débarrasser du paquet au complet. C'est le but du jeu. Donc, à chaque jour, mettons, ou à chaque semaine, ou peu importe, tu pourrais choisir de donner une carte à quelqu'un, une connaissance, un ami, et varier les choses comme ça. Donc, c'est écrit par un garçon de 16 ans, Harry Lee, en 2009, avec l'aide de centaines de bénévoles qui ont aidé à créer ce paquet de cartes-là. Vous pouvez télécharger les sneaky cards et les imprimer à la maison vous-même pour faire ce... Dans le fond, ils ne demandent pas de l'acheter, tu peux le faire toi-même. Wow, c'est cool! Magnifique! Wow! Ah, ben je sais qu'est-ce que je vais t'acheter à ta fête. Ah, merci. en effet, je ne suis pas très social. Pas de temps. Maintenant, on repart sur les Kickstarters. C'est Sabertron. C'est une épée laser. Ben, pas laser. Une épée de mousse, mais électrique, qui garde son propre score sur elle-même. Donc, c'est un peu comme un sabre laser dans Star Wars, OK? Qui s'appelle Sabertron. Et ça demande de l'argent sur Kickstarter en ce moment. Donc, il reste un petit peu d'argent sur leur 195 000 pour réussir à payer ça et puis le distribuer ensuite. Mais bref, c'est qu'elle brille. Et il y a à l'intérieur du manche un compteur. D'accord? Et quand le compteur sonne, c'est que t'es mort. C'est que tu t'es fait toucher, bref. Oh. Ça garde le score. Donc, c'est ça. Allez voir la petite vidéo qui vous montre comment c'est fait sur assemblagerequis.com. Ici, c'est Representations, une série de photos par Cynthia Gregg, où elle a pris des objets qui sont normalement de couleur dans la vraie vie et les a fait apparaître en tant qu'objets noir et blanc. Dans le fond, on dirait des sketchs dessinés à la main au crayon. Donc, c'est vraiment des vrais objets, comme, mettons, un globe terrestre. Et puis, elle les a peinturés pour qu'ils aient l'air d'avoir été dessinés au crayon, mais dans la vraie vie. Donc, elle a vraiment pris son globe terrestre et l'a dessiné du blanc et du noir dessus pour avoir l'air crayon. Et après ça, elle prend ça en photo. Donc, c'est vraiment des objets en 3D, mais qui ont l'air de dessin. C'est quand même bizarre. Donc, c'est ça. C'est un gros commentaire, genre philosophique, sur la perception de la réalité. Il y a tout à des explications sur l'art. Et puis, on se dit, bon, c'est juste de l'art. Puis, dit que c'est de l'art. Mais donc, ça combine la photographie couleur et les dessins. ensemble. Donc, allez voir ça. Assemblageriki.com, il y a un toaster, un grille-pain, une pinte de lait, une télévision. Et tout ça, tout à l'intérieur de ça, il y a tout le temps une portion de réalité, comme par exemple sur la télévision, la télé est allumée. Donc, l'image en tant que telle est une vraie image, mais le reste a été dessiné, mais en fait, dessiné par-dessus la vraie télé, dans la vraie vie, donc avec de la peinture, pour ensuite le prendre en photo. C'est un peu un petit peu space là, comme explication, mais bref. Ouais, c'est aller voir. Allez voir. Ensuite, il y a un gars, un homme, un adulte qui a construit une version, tu sais, des petites Little Tykes, des petites voitures en plastique pour enfants, là, oui, jaunes et rouges. Oui, les Hot Wheels. Les, genre, mais les a construits en vrai. Donc, c'est vraiment une vraie voiture. Hein? C'est John Bittmead qui a passé plus de 1000 heures à créer ça et 6 500 $ en argent pour construire cette version qui peut aller sur la rue. Donc, c'est street legal. Little Tykes Cozy Coupe Car. Cette voiture qui fonctionne avec gaz peut aller jusqu'à 110 km/h. Allez voir le reportage de BBC sur le site. Sautons quelques affaires, on doit terminer bientôt. On va y aller avec... oh, tiens, on va arrêter là. Je vous laisse le reste des liens, oui, qui sont quand même très intéressants sur le site assemblageriki.com. On va transitionner tout de suite de Cynix Wowat Web à notre amie Marie-Ève Picard. Voici la geekette en devenir. C'est la geekette en devenir, Marie-Ève Picard, qui graduellement apprend comment être geek en faisant le tour du net. Alors, apprenons à être geek aujourd'hui. Ben, c'est ça ton but dans la vie, hein? Ben là, un jour devenir geek. Moi, but, je sais pas, là, mais... Ben, Colin, ta chronique s'appelle Geekette en devenir, fait que tu vas devenir un geek, hein? Bon, une geek. Tu deviens pas un geek, s'il te plaît, ce serait pas très attirant pour moi. Non, pas tant. Hein. Je crois que je vais rester geekette. Donc... Si ça te dérange pas. Allons-y. Oui. C'est ainsi, on aime beaucoup Les mash-ups, là, on mélange deux affaires qui vont pas ensemble, on les met ensemble. Ouais. Que dirais-tu d'un mélange de Disney et des personnages de Games of Thrones? Ah, ben Colin, ben si on parle de mon personnage préféré, là, celle dont j'oublie tout le temps son nom, Targaryen, la jolie blonde, là. Ouais. Si c'est elle, oui. Si c'est n'importe qui d'autre, moyen. Ben, je crois que tu vas être déçu. Oh non! Là, je regarde, puis je crois pas que je la vois. Non, ben, si elle est là, elle est vraiment bien cachée, là, attends un peu. Ouais. Je cherche moi aussi, évidemment. Mais en fait, pour vous expliquer, là, parce que là, on est là, puis on parle, là. C'est ça, c'est les images, mettons, dans les films de Disney. Mais à la place, ils ont changé les figures. Les visages. Et ils ont remplacé, dans le fond, avec le visage du vrai personnage dans The Game of Thrones. Disons que ça paraît que c'est un montage, c'est pas la chose la plus c'est subtile ça. Au monde. Non, là, non, c'est vraiment dans ta face. Là. Fait assez à la basic. Pour ne pas dire à la botch. À la botch, oui. Donc, par exemple, mettons, on voit Simba. Avec le visage de je ne sais pas trop... D'un jeune garçon blond. Oui, c'est ça, là. On n'a pas suivi Game of Thrones. Non, ça paraît, hein? Avouons-le, mais... On s'en cache pas du tout. On trouve ça drôle quand même. Le nom du personnage, c'est Jeffrey, en passant. Voilà, pour ceux qui se le demandaient. Ouais. Et c'est ça, il y en a plusieurs, avec comme Mowgli, puis Bambi, Cendrillon, La Belle et la Bête, et voilà. C'est quand même cute. Et je vois aussi qu'ils prennent des méchants, là, des espèces de monstres que dans Game of Thrones aussi. Donc, quand même, De tout. Il s'est forcé un peu. Ouais, je crois que elle s'est forcée. Je pense que c'est une fille qui a fait ça. Ouais. Paloma Nevada. Et voilà. Et que c'est bien dit. Ouais. Alors, continuons. Et on reste encore un peu... c'est plus Disney partout. On s'en va dans quelque chose que t'aimes peut-être un peu plus, là. Legend of Zelda. Ah, ben oui, Link et la princesse Zelda, toujours, toujours un grand fan de ça, oui. Oui, mais illustré de façon samurai style. À la asiatique, pas mal. Ouais, quand même. Beaucoup, oui, effectivement. J'aurais pas pu dire mieux. Alors voilà, on les voit quand on regarde, là. On voit les images. Quand on regarde, on voit. Ça, c'est très beau. Mais si on va sur assemblageriki.com, le lien est là. Oui, c'est ça. Et c'est simplement des dessins asiatiques, mais avec les personnages de Zelda. C'est ça. Rien ben, ça disait tout. Je cherchais quoi dire d'autre, mais dans le fond, Oui. Vas-y, il n'y a pas juste Legend of Zelda, il y a aussi Tomb Raider et Lord of the Rings. Ouais, c'est ça. Ben, ça en est d'autres, c'est ça. Et voilà. Merci bien. Cool. Ensuite de ça, tu sais, des fois, des livres, c'est plate un peu à regarder. Mais hein, c'est quoi des mots, ça? Puis couverture rigide, couverture souple. Même pas sur un ordinateur. C'est ça. C'est du papier avec de l'encre. Connais-tu ça? C'est du tactile, mais encore plus tactile qu'un écran tactile. Oui. Alors, pour rendre ça un peu plus le fun à regarder. Visuellement intéressant. Visuellement intéressant, oui. Alors, il y a un artiste qui a fait, en fait, par rapport au livre, un personnage ou une scène du livre, mais dedans le livre, en 3D, comme en papier mâché. Donc, c'est comme des découpages du livre lui-même à l'intérieur des pages et ça fait du 3D dans les airs. Wow. Ouais. Puis, donc c'est ça, c'est avec une scène du livre qu'elle a lu et c'est tout refait. C'est tout à la main, c'est très très long à faire. Évidemment, tu peux plus lire le livre une fois que c'est fait. Ben non. C'est ça. Donc, tu le lis avant. Et voilà. Puis après, tu fais ça. Tu fais ça si t'as énormément de talent, genre beaucoup plus que je pourrais espérer en avoir. Ouais. C'est cute. Ouais. Et encore, une petite chose un peu féfée, là, avant de terminer. OK. Des faux ongles. Okay. Hein, les filles, on aime ça quand même. Oui. Des faux ongles. J'imagine. Mais d'abord, c'est des faux ongles faites, mais un peu, comment dire, trash, si on veut. Donc, faut aimer le style, là, mais tu sais, c'est comme... c'est dur à expliquer. Et à moins que je me trompe, ils sont imprimés avec une imprimante 3D. Donc, c'est un design que quelqu'un a fait et que tu pourrais faire imprimer toi-même aussi. Mm-hmm. Oui. Donc, ça a l'air un petit peu genre gothique presque comme ongle. Oui, c'est ça. Mais c'est avec du plastique imprimé dans une imprimante 3D, c'est cool. Mm-hmm. J'aime ça. Oui. Et pour finir, nous allons finir avec... du yoga, Mathieu? On va finir relax. Oui. Sur une note zen. Voilà. Mm. C'est pour ça que le yoga existe. Ah. Toi qui n'en fais tous les jours. Ben oui, c'est ça. C'est tellement connu. Ben oui. Monsieur, on m'appelle Mathieu Yoga Plante. Oui. Mm. Et voilà, Monsieur le Yoga Plante. Écoute, du yoga, des fois, c'est peut-être plate, mais quand tu le mélanges, quand que tu fais ça comme un jeu de rôle, comme par exemple Donjons et Dragons, ça semble devenir plus intéressant et peut-être un peu plus fun pour les geeks qui voudraient peut-être un jour commencer à faire du yoga. Bouger de leurs fesses, de leur cave. Oui! Ouais, donc on combine le Donjons et Dragons et le yoga. Comment on fait ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est que tu as un instructeur là, à l'avant et lui là, part avec une histoire. Pareil comme dans... Une histoire de Donjons et Dragons, effectivement. Et puis là, ben, il part avec son histoire. Tout le monde l'écoute, le regarde. Et tout le monde semble être comme le même personnage. OK. Et chacun a un dé, là, dans le fond, à côté de lui. Les célèbres dés 20, les dés à 20 côtés. Voilà. Et donc, chaque côté représente une position de yoga. Mm-hmm. Alors, dans le fond, pardon. L'instructeur commence là, l'histoire. Bon, puis là, mettons, il arrive un embûche, quelque chose, et comme dans Donjons et Dragons, tu dois brasser un dé pour savoir quoi faire. Mm-hmm. Et ce que tu fais, c'est la position. Alors, il dit à quelqu'un de lancer le dé pour voir quel chiffre ça va tomber. Et tout le monde fait la position. Ah! Mm-hmm. J'avoue que tu peux avoir l'impression de participer un petit peu plus à ton yoga que d'habitude. Là. Oui. Au lieu de juste suivre les instructions, t'as l'impression de vivre une aventure, vivre une histoire. Ben oui, c'est ça, parce que tu sais, il raconte l'histoire pis tout, là, c'est pas juste « Bon, ben là, prenez votre jambe et placez-la par-dessus votre tête. » On fait l'arbre, on fait ci, on fait ça. On fait l'arbre, on est relax. À la place ici, c'est on lève l'épée, on tombe par terre, on entre dans une grotte, des trucs comme ça. Ouais. Donc, non, ça pourrait être divertissant pas mal. Ouais. Mmh. Fait, je pense que c'est quand même c'est pas pire comme idée. J'aime ça quand même. C'est bon. Et je disais que ça a juste eu lieu une fois pour l'instant. Donc, on espère que peut-être qu'un jour, ça va se répandre. Peut-être que ça va devenir la nouvelle mode de faire du... Ben, pourquoi pas? Ben, pour vrai, là, tu sais, les geeks, ça pourrait être un petit commencement, un petit début d'exercice. Une bonne façon de bouger, en effet. Oui. Voilà pour la guitare en devenir. Oui. Merci, Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir. Et on va transitionner rapidement avec les deux minutes qui nous restent. Je sais que j'ai le temps. Ah, ben oui, c'est comme ça. J'ai envie de faire un minuscule. C'est un fait, Take Edition. Rafale. C'est un fait Tech Edition. Ça s'appelle les fenêtres ont chargé juste à temps pour que je puisse le faire, sinon j'aurais laissé faire. Donc, retournons un petit peu en arrière. Le 29 janvier, cette semaine dans l'histoire, c'était en 1886, Carl Benz a soumis un brevet pour sa Motorwagen. Benz Patent Motorwagen. Donc, c'était le premier brevet pour un moteur à combustion interne pour une automobile. Donc, avant ça, les automobiles fonctionnaient à vapeur. Donc, c'était la première fois qu'on avait un moteur à combustion dans une voiture en 1886. Ensuite, le 30 janvier 1925, Doug Engelbart est né à Portland, en Oregon. Il est célèbre pour son travail sur la souris d'ordinateur. Il a aussi travaillé sur plusieurs autres innovations d'interface utilisateur graphique, donc ce qu'on appelle, ce qu'on contrôle avec la souris, là, les fenêtres Windows, là, l'interface utilisateur, comme on appelle. En 1975, c'était l'instructeur de design intérieur hongrois Emo Rubik qui a demandé un brevet pour ses petits cubes qui sont devenus les cubes Rubik plus tard. Cool. En 2007, Microsoft sort Windows Vista pour les utilisateurs à la maison, donc le public, le grand public. Évidemment, pas un système d'exploitation qui a eu un énorme succès, mais qui s'est sorti en 2007. En 2013, RIM annonce son changement de nom, c'est devenu BlackBerry. Ils ont aussi révélé le BlackBerry OS 10, le système d'exploitation. Le nouveau téléphone Z10 et le nouveau Q10. Ensuite, on saute au 1er février 1951. Les téléspectateurs, donc les gens qui regardaient la télé, ont été témoins d'une détonation. Donc, ils ont fait détonner une bombe atomique en direct sur la station KTLA à Los Angeles. Donc, ils ont diffusé cette explosion-là nucléaire, un appareil nucléaire qui est tombé sur le Nevada. En 1972, Hewlett-Packard introduit la première calculatrice qu'on tient dans sa main. Donc, la première calculatrice scientifique, pas n'importe quelle, la première calculatrice scientifique qu'on tenait dans sa main. La célèbre HP35 qui se vendait 395 $. Mais il aurait pas dû l'inventer, là, parce que là, on est devenu tellement paresseux. Ah, là. Tellement, on est plus capable de compter dans notre tête. Si on n'avait pas l'application calculatrice, comment est-ce que les gens auraient des pourboires? On donnerait 10 $ pour rien, alors qu'on en devait juste deux. Tout à fait. Moi, je suis genre à surtyper, mais je suis le maître. En 1935, le détective Leonard D. Killer, co-inventeur du polygraphe Killer, a essayé son détecteur de mensonges pour la première fois sur deux criminels suspects, à Portage, dans le Wisconsin. Les deux suspects ont été trouvés coupables ensuite, donc c'était en 1935. 3 février 1879, Joseph Wilson Swan a fait une démonstration. C'était la première ampoule de lumière, donc électrique, avec un filament. Donc c'était une ampoule incandescente, c'était la première fois en 1879. Et pour terminer, le 4 février, en 1998, Noel Godin, qui est un Belge, il était célèbre parce qu'il a envoyé des tartes à la face de gens célèbres. Et c'était la date en 1998, il a envoyé une tarte à la face de Bill Clinton. Pas Bill Clinton, pardon, Bill Gates. C'est technologique, mon affaire, puis je dis Bill Clinton, rien à voir. Donc, Bill. Vous les Bill, comme on les appelle. Donc, Bill Gates qui a reçu une tarte en pleine figure en 1998. Il a choisi de ne pas porter plainte. Et en 2004, Mark Zuckerberg et certains de ses amis à Harvard lancent The Facebook. The Facebook, pour que les étudiants de Harvard puissent se connecter. Et avoir des petites relations sexuelles. Bref, plus tard, c'est devenu Facebook tout court. Ils ont enlevé le « de ». Donc, c'est ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Voilà. Bon. Je te l'avais dit que je ne parlais pas plus que 2 minutes. Ouais, t'as bien fait ça. Ouais. Voilà pour le Mathieu Plante Show. On se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà terminé. Oh non! On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis entre 16h et 17h. On repasse les samedis à 15h. Consultez la programmation sur cifou.ca. Retrouvez les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Merci, Marie-Ève Picard. Hey, ça me fait plaisir. Merci, Mathieu Plante. À la semaine prochaine. Ben, Colin, merci à toi. Puis de rien. Puis bienvenue. Puis. Ouais. On s'aime bien. Puis, tu sais, on refait ça une autre fois, genre la semaine prochaine, mettons. Ah, OK. Bye. Bye.